je te sens, je t'espère et je t'entends. Je te suis, je te fuis, je te cherche et je t'oublie. Je souris, j'obéis, je patiente et je compte le temps. Le temps sans toi. Un relent, un instant, un parfum, un vêtement. Un souci, un mépris, un souvenir, un déni. Une absence, une errance, un combat pour lui donner un sens. Autant sans toi, il se rappelle, il s'entremêle, il se délie. Il se décroche, il se rapproche, il m'étourdit. Il se débat, il me combat, me blesse au sang. Il tourbillonne et m'empoisonne, il a raison de moi. Le temps sans toi, toi, toi. Je m'ignore, je me résigne à mon sort. Je me crains, je m'éteins, je remets tout à demain. Je m'entube, je titube, j'erre au milieu du désert de temps sans toi. Je me ronge, je m'éponge, me réfugie dans mes songes. Je m'entête, je végète, m'enlisant dans ma retraite. Je m'abaisse, me confesse, l'important c'est de rester vivant. Vivant sans toi. Il ressuscite, il se délite, il m'étourdit. Il me méprise, il me maîtrise, il m'a servi. Il m'exaspère, il se resserre autour de moi. Il me torture, il me rature, il a raison de moi. Le temps sans toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, le temps sans toi. Il se déguise et son emprise abat mes armes, tarit mes larmes. Il me trépanne, il me condamne. Le temps sans toi. Un arrêt, un filet, une muselière, un harnais. Un faux pas, un trépas, une absence, un mal de toi. Un grand vide, un suicide, ne me dis pas qu'il ressemble à ça. Sans toi, piétiner, s'enliser, se renfermer, se prostrer sous un joug, un dégoût, un rapace, un nid de poux. Dans la peine, dans la haine, de douleur, je crois qu'il me tuera. Le temps sans toi, il m'impatiente, il m'ébouillante, il me consume. Il paraphrase et il m'écrase son enclume. Il m'enracine, il m'extermine, il m'humilie. Il me défore, il veut ma mort, il a raison de moi. Le temps sans toi, toi, toi, toi, toi.